Pourquoi je l'entends pas? Bonne année à tous. We're gonna lie. Calme-toi, docteur. Thank you. Ça ressemble à quelque chose. Je pensais pouvoir un jour vivre sans toi. Je plaide de Tunisie. Alors, c'est quoi Tunisie? Ouais, d'accord. 2. Je crois que j'ai dû mettre ma guitare en plus. Come on. Thank you. On est les rois des cons. Certainement pour une connerie sûrement. On a tout arrêté. On n'en pouvait plus. Mais aujourd'hui, peut-être, on va revenir. Allez, reviens. Reviens, téléphone. Ça serait bien, tu sais. Ça va venir. J'aimerais faire un jour te revoir. un batteur. Ça, non, Titi. J'ai rêvé un jour te revoir. Mais je n'y crois plus. J'aimerais bien. Bon, bah, suivez alors. La dame, elle te parlait, elle t'a parlé, la dame. Ta femme, elle t'a parlé. Yeah. un refrain. Tu vois un refrain. Ça va être plus compliqué. Ready? Je peux pas partir en même temps. Hey, trop de bordel. Alors, je vais essayer de faire le refrain. Le refrain, c'est. Donc ça fait. Enfin, je vais vous marquer. BD. Je reprends le prochain train.